géant comme un milliard. 20 ans, 20 piges, je me sens déjà tarir. Las, assez de haïr, de me sentir envahir. De mauvaises vibes auxquelles je dois obéir. Que dois-je choisir, vivre ou mourir? Mourir, je déflirte avec mes neurones. Chacun ses handicaps, on doit pourtant vivre dans cette faune. Au risque de finir zombifié dans l'hexagone. Fortifié par l'étadone, zombifié par l'aumône. Dans ma vie, y'a que des clones de fantômes. Touchant comme un sang en silicone. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Lourde d'un passé, chargée, je me sens peser. Tout un tas de choses qu'on a voulu m'imposer. Raisonner, les mots résonnent dans ma tête. Comme une bête qu'on cherche à apprivoiser. Trop folle, pour vos villes on veut me maîtriser. Je suis paralysée, désabusée, c'est abusé. Écoute, sans voix comment ça m'a usé, épuisé. Une vraie névrosée, par faiblesse, par excès de tendresse. Pour mes paternels et aux distributeurs de caresses. Combien de temps me faudra-t-il pour gagner la sagesse? Pour qu'enfin je me redresse. Je vois ma vie comme une zone. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Y'a plus rien dont je raffole, plus rien dont je rigole. Cette odeur de formol qui me colle au grol. Noyé, perdu dans de bonnes paroles. Cloué au sol, je devrais voir mon auréole. Je ne vois que de maigres guipoles. Symbole du monopole, du sexe symbole. Y'en a ras-le-bol. J'ai plus la force de lutter, de torse pour encaisser. Trop d'entorse pour m'amputer. Une existence de lutte, trop souvent j'ai chuté. À chercher mon but, assez de me sentir persécuté. Lassé, blasé, de discuter. Tout essuyé, j'ai trop essayé, faut me pardonner. Je vois ma vie comme une zone. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Tu n'as rien à dire. Dans un système où la galère est nôtre. Tu n'as rien à dire.